بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب بعض هذا الانقطاع الطويل شيئا ما نواصل خمسة كوبيور ديال السمان مي بون إلا غادي نرجع إن شاء الله تعالى في درس الماضي كملنا الفصل الثاني كيتي دون les sifat. C'est quoi les deux dernières règles qu'on a appris? Ifrat sifat les alzam takhalli plutôt. Ayo. Muhdi'in 'azimin. Tamthil tamthil wa takyif. Tu fais pas tout le monde au tamthil ni dans le takyif. Et la sabi'a c'était quoi? Septième. Tawqifiyya. Non, comme les asma. Qu'il n'y a pas de place dans l'aql pour pouvoir affirmer un sifat. Nous voici l'un, ça nous trouve fait al-fasl al-thalith min hada al-kitab qui est qawa'id fi adillat al-asma'i wa sifat. Les règles dans les preuves sur les noms et attributs. هذا الفصل الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. Donc, c'est-à-dire qu'on affirme les noms et attributs par les adillahs qui ne viennent que du kitab et que de la sunna. On ne peut les attribuer, les affirmer par autre que ces deux sources. D'accord ? Ça veut dire que dans les asma wa sifat, il n'y a pas de qiyas. Maintenant, il y en a, ils voient le qiyas, c'est l'aulawi, comme on a expliqué la dernière fois. Mais ce n'est pas tout le monde qui le voit. Cheikh l'Islam, il y aura. قال وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في كتاب أو السنة وجب إثباته وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. Donc tout ce qui a été évoqué dans le livre ou affirmé au propos d'Allah Azza wa Jal dans le livre de la Sunna, on doit l'affirmer nous aussi. Et ce qui a été refusé doit l'être également. Mais par contre, on ne se contente pas seulement de le refuser. Qu'est-ce qu'on fait également? On refuse et on affirme son opposé. Arrive du côté parfait. On affirme son opposé du côté parfait. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. Ce qui n'a pas été évoqué ni dans le kitab ni dans la sunna, on doit s'abstenir dans le terme. Ni on ne l'affirme, ni on ne le renie, car on n'a pas de choses qui disent cette chose-là est présente ou elle est absente. On n'a rien du tout. À part une chose qui a du nox fit coulé wadj. Ça, c'est sûr qu'on le refuse. Mais des choses qui ont, on a expliqué qu'on, kamel bin wadj, wa nox bin wadj, yun zarfi. C'est pour ça, même dans les asma et dans les sifa, des fois quelqu'un va dire, hada lisa min asma illa. Dis, non, dis pas comme ça. Dis, la yuzbet. Il se peut que ce soit min asma illa, toi tu le sais pas. Et tu dis, tel sifat, Allah il l'a pas. Tu dis, tu sais pas si tel sifat il l'a pas. À part si c'est une sifat nox, mahd. Purement de défaut ou de manque, n'arm. Et si jamais c'est une sifat sur lequel il y a un côté comme ça, on dit tu peux pas, tu dis tu ne sais pas. Tu ne peux dire non, Allah n'a pas cette sifat là, car si jamais il l'a, qu'est-ce que tu auras fait là? Tu t'artil, sans même t'en rendre compte. Donc on dit, la nusbitu halillah, on ne la fume pas pour Allah. Hada, ahwat. Wama ma'anahu fayufassal fihi, fayn urida bihi haqqu yaliqu billahi ta'ala. هو مقبول وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. Donc cette chose-là, le terme qu'on va employer, si jamais on demande à la personne de détailler donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Si jamais c'est un sens qu'il dit qui convient à Allah Azzawajal, on peut l'accepter. Si jamais c'est un sens qui ne revient pas à Allah Azzawajal, on le refuse. قال فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفات دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة وتضمن أو التزام. Parmi les choses مثلاً qui sont affirmées par Allah Azza wa Jal pour lui, toutes les صفات provenant d'un اسم ثابت démontré par le مطابقة comme on a appris par le tadammun et iltizam. Ça, on l'a pris auparavant. Celle-là, on les affirme. وَمِنْهُ كُلُّ صِفَاتٍ دَلَّ عَلَيْهَا فِيَلٌ مِنْ أَفْعَالِهِ كَالْاِسْتِوَى عَلَى الْعَرْشِ وَالنُّزُولِ لِلسَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالْمَجِيءِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ عِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِهِ الَّتِي لَا تُحْصَى أَنْوَاعُهَا فَضْلًا عَنْ أَفْرَادِهَا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Également, toute صفات qui elle-même est prise d'un acte que Allah Azza wa Jalla connaît et est commun. Mathalan, on a expliqué, tu as des actes qu'Allah Azza wa Jalla a dit qu'il fait, comme l'istiwa, comme le fait qu'il vienne, aïe dhalika. De cet acte-là, on en tire quoi? La sifat. Tamam? Mathalan, al-nuzul, comme a dit dans le hadith, que Allah Azza wa Jalla yanziru Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'on a un hadith ou un verset qui dit min sifatihi nuzul? Là, mais comment on a déduit ce nuzul? Min fi'ali. S'il le fait, c'est que c'est min sifatihi. Adam. Donc tout acte que Allah Azza wa Jalla fait, on en tire la sifat. Bila shak. Wa minhu al-wajhu. Parmi ces sifat-là, mistalan. Al-wajhu wal-aynan wal-yadan wa nahwiha. Et parmi ces sifat, également, il y a le visage, les deux yeux, les deux mains et autres. Qu'est-ce que tout ça m'a dit ces sifat? Comment on les appelle ces sifat là? Zatiyat. Après on avait dit quoi? Zatiyat entre Qasim ila? Aywa ma huma? Ma'anawiyya wa? Ma'nawiyya wa khabariyya. Non. Et ça, c'est lesquels des deux, celle-ci? Comme le visage, les deux yeux, les deux mains. C'est les khabariyya. Celles que on ne peut savoir si ce n'est Allah qui nous en informe. Wa minhu al-kalam wal-mashi'a wal-irada bi qismayha al-kawni wa shar'i. Et parmi ces sifat également, le kalam, la parole, le mashi'a, sa volonté, et al-irada, avec ces deux catégories qui sont al-irada al-kawniya wa shar'iyya. On a déjà parlé ça. Alors que al-kawniya bima'na al-mashi'a. Al-irada al-kawniya, c'est la même que la mashi'a. La mashi'a n'a qu'une seule. Ma ma'naha al-mahabba. C'est une chose que Allah il aime forcément, mais elle n'a pas forcément lieu. Wa al-kawniya ou bel al-shar'iyya. Attends, je me suis perdu là dans le. Falkouniya bimana mashi'a, comme on l'a dit. Wa shal'iya bimana al-mahabba. Ada, non. Kouniya, c'est la même que le mashi'a. Celle-ci, la boue d'un taqa. C'est obligé qu'elle ait lieu. Il se peut qu'Allah il l'aime, il se peut qu'il ne l'aime pas. Thumma shal'iya, celle-ci, bimana al-mahabba. C'est une chose qu'Allah il aime et qu'il veut. À laquelle Waj il la veut, à la Waj Shari. Maintenant, est-ce qu'elle a lieu forcément? Pas forcément lieu. Non. Wa minhu al-rida wal-mahabba wal-ghadab wal-karaha wa nahwiha. Parmi ces sifat. Wa mimma warada nafiyuhu anillahi subhanahu wa ta'ala l'intifa'ihi wa thubut kamal ziddihi al-maut wal-naum wal-sina wal-ajz wal-i'ya wal-zulm wal-ghafla an-a'mal al-ibad wa anna yakuna lahu mathil aw kufun. Parmi les choses justement qui ont été refusées à Allah Azza wa Jal, d'accord, Mais par contre, dont on affirme l'opposé de façon parfaite, la mort, le sommeil, la somnolence, la capacité, la fatigue, l'injustice, l'inattention, qu'Allah est inattentif aux actes de ses serviteurs. Le fait qu'il ait un équivalent, quelque chose qui lui ressemble comme lui, tout cela, Allah l'a renié. هذا من صفات ماذا؟ لا يعني كده صفات المنفية سلبية. ومما لم يلد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا ويغني عنه ما ثبت فيهما min anna Allah ta'ala fi as-sama'i. Parmi maintenant les sifat qu'on a eu qui n'ont été ni affirmées ni refusées dans le Coran, la direction. Maintenant quelqu'un te dira, est-ce qu'on dit que Allah a une direction? Le terme jiha ma ja al-lafdhu fi al-kitab wa la fi sunnah. Il est venu ni en sifat manfiya ni en sifat muthbata. Ni l'un ni l'autre. Donc on dit, le terme en lui-même n'est pas venu, mais on a autre chose qui fait qu'on s'en passe. C'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jal, aynahu? Fis sama. Il est au-dessus des cieux. Amma ma'nahu, fa imma an yuradu bi jiyat soufl, ou jiyat ulu, tahitu billay, ou jiyat ulu, la tuhitu bihi. Donc maintenant le sens de djihad, soit on veut dire par là une djihad, une direction vers le bas, ou alors une direction vers le haut. Rien. Une direction vers le haut, mais d'une hauteur qui entoure Allah, c'est-à-dire qui comprend Allah Azza wa Jal dedans. Ou alors un ulu, élévation, qui elle la tuhitu billah, une élévation, mais qui n'est pas une création dans laquelle se trouve Allah Azza wa Jal. Donc il dit fal awwalu batilun li munafatihi li ulwi Allah ta'ala athabit bil kitab wa sunnati wal aqli wal fitrati wal ijma. Donc la première, le fait de trouver une direction, c'est-à-dire une chose dans laquelle Allah se trouverait, ça c'est batil. C'est rejeté par le kitab wa sunna et par la fitra et par la raison. بلا شك. والثاني c'est quoi الثاني? C'est un ulu comme on l'a expliqué, mais qui entoure Allah Azza wa Jal. Donc le ثاني باطل ايضا لان الله تعالى اعظم من ان يحيط به شيء من مخلوقاته, que Allah est plus immense que d'être entouré par une chose de sa création. والثالث c'est quoi العلو لكن بغير إحاطة. Troisième c'est حق لان الله تعالى العلي فوق خلقه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. Donc troisième sens de jihad, on dit par là le ulu, que Allah il est élevé, mais d'une élévation qui le revient à lui et qui n'est pas dans sa création, ça on l'affirme. Ça on l'affirme. Après c'est les adillah de cette qaïda. أولاً قال دليل هذه القاعدة السمع والعقل, dans les textes et la raison. فأما السمع فمنه قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Dans le sens où Allah dit que ça c'est un livre mubarak qu'on a fait descendre, donc suivez-le et craignez afin de recevoir la miséricorde. وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Le fait de croire en Allah, en son messager, طيب, le prophète qui est lettré, et ainsi de suite, suivez-le, vous serez guidé. وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Il dit, ce que le prophète vous a apporté, prenez-le, ou le messager vous a apporté, prenez-le, et ce qui vous a interdit, alors arrêtez et craignez Allah, et que Allah certes est Dieu en châtiment. وقوله من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Celui qui se détourne, sache que nous ne t'avons pas envoyé comme protecteur pour ces gens-là. وقوله من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى طيب طوف الليل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Et si vous divergez en quoi que ce soit, alors envoyez-le à Allah et à son messager, si jamais vous croyez en Allah au jour dernier, et cela est de meilleure interprétation. Et juge entre eux parce que Allah a fait descendre et ne suit pas leur passion. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دل على وجوب الإيمان بما جاء في السنة لأن ما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند النزاع أو تنازع. Donc tous ces textes-là t'amènent à quoi? À l'obligation d'avoir foi en ce qui est venu dans le kitab et dans la sunna. Donc tout texte qui te prouve de croire au Coran est une preuve qui t'amène à croire en la sunna. Car le Coran t'appelle à quoi? À suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si jamais il y a une divergence, d'envoyer vers qui? Le fait de trancher? Vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant. Après sa mort, par sa sunna. Comme il le dit maintenant là, ورد إليه يكون إليه نفسه في حياته ولسنته بعد موته. نعم. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد اتناء أو النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ Donc il dit où est la foi dans celui où est la foi au Coran pour celui qui s'enfle d'orgueil, qui délaisse le fait de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que le Coran l'a ordonné. Et où est la foi au Coran pour celui qui ne renvoie pas son litige vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que le Coran l'a ordonné? Wa ayna al-iman bil rasul allazi amara bihi al-Quran liman lam yaqbal ma jaa fi sunnatihi. Également, où est cette foi au messager? Cette foi que le Coran nous a obligé d'avoir pour celui qui n'accepte pas la sunna. Et où cette fois-là? Il dit, moi je crois au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on dit sur la sunna, il ne veut pas. Wa laqad qala Allah ta'ala wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay. Nous sommes descendus le livre sur toi pour éclaircir toute chose. Wa min al-ma'lum anna kathiran min umur ash-shari'ati al-'amaliyyati wal-'ilmiyyati jaa bayanuha bis-sunnah. Fayakunu bayanuha bis-sunnati wa min tibyani al-Qur'an. Donc beaucoup de choses de la sharia et des choses liées à la science et aux actes comme on les a connues par l'éclaircissement trouvé dans la sunna. Donc la sunna vient pourquoi éclaircir le Qur'an. Azahu. Ça c'est un radaki au Qur'aniyin. Ceux qui disent moi je prends que le Qur'an. Am wa am, ça c'est par rapport aux preuves du sama. Wa ma al-aqlu fa naqul inna at-tafsil al-qawl fi ma yajibu an yumtana أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع إليه أو الرجوع إلى ما جاء في الكتاب والسنة. Maintenant la raison la raison elle ne peut définir qu'est-ce qui est permis ou qu'est-ce qui est interdit en soi en ce qui touche au droit d'Allah Azza wa Jal et aux choses de l'invisible. Donc qu'est-ce que cela t'amène, ta raison t'amène à quoi? À revenir à la source qui est le Kitab al-Sunnah. Tout simplement. Et dans cette mas'ala, on revient justement à la mas'ala du jism, du corps pour Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'on l'affirme, est-ce qu'on le refuse? On a expliqué déjà que veux-tu dire par un jism. D'accord? Que veux-tu dire par un jism? Car le mot jism n'est venu ni nefiyan ou la isbatan. Allah ne l'a ni affirmé pour lui-même, ni ne l'a renié. D'accord? Ni ne l'a renié. Donc la sifat et le ism, on ne peut l'attribuer que par l'adillah du kitab de la sunna. Et les choses qui n'ont été venues ni isbaten ou la manfiyen, et qu'il n'y a pas un wajh nox total, on fasse ça dedans, en détail. Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'exemple donné, par exemple, la jihad, la direction. Autre exemple qu'on peut donner, celui du corps. Naam. Thumma qala al-qa'idatu al-thaniyah. Deuxième règle dans les adillah min al-asma' wa sifat. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للري فيها. Donc maintenant, qu'est-ce qui est obligatoire de prendre les textes selon l'apparent, sans faire de tahrif, le fait de déformer les textes. Surtout dans les textes qui touchent aux sifat, celles-ci qui n'ont pas de place aux opinions. Ça c'est tawqifi mahd. Wa dalil dhalika as-sam' wal 'aql. Les preuves de cela sont le sam et le 'aql. Et le tahrif, c'est quoi? On avait expliqué le tahrif. Wa 'udul al-lafz 'an mawdi'ihi. C'est le fait de sortir le terme de son origine. Et ce tahrif, on l'a expliqué de deux sortes, lafzi wa ma'nawi. Lafzi, c'est-à-dire le terme, tu changes ses lettres. Ou alors, le terme, tu le gardes, mais tu changes son sens. Waman jabihada, qui est-ce qui est connu pour ça? Qabl al-Sha'ira. Qui est connu pour le tahdif? Le Yahoud. Naam, le Yahoud. Amma sam, fakouluhu ta'ala, nazala bihi ruhul amin. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ بِلِسَلِينَ عَرَبِيٍ مُبِينَ. Qu'il a été descendu par le Ruh al-Amin, c'est-à-dire Jibril, dans ton cœur, pour que tu sois parmi les avertisseurs, d'une langue arabe claire. وَقَوْلُهُ تَعَلَى إِنَّا نَزَلْنَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ. Nous avons certes descendu un Coran en arabe, afin que vous puissiez raisonner. وَقَوْلُهُ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ. Et nous l'avons fait un Coran en arabe afin que vous puissiez raisonner. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ فَهْمِهِ عَلَى مَا يَقْتَدِهِ ظَاهِرُهُ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِ إِلَّا أَنْ يَمْنَعْ مِنْهُ دَلِيلٌ شَرْعِي. Donc cela te prouve quoi, ce texte-là? Qu'il est obligatoire de comprendre le contenu du Coran selon l'apparent. L'apparent donné en quelle langue? En langue arabe. Tant qu'on n'a pas un dalil shal'i qui sort cet apparent de son contexte, comme des fois ça peut arriver. On l'a pris dans un Tadmouri, des fois un texte Zahiruhu yurad bihi dhalika lakin ma'anahu yurad bihi ghayr dhalika. Ça, il y a des qara'in. Là, c'est plus un tahrif, ça s'appelle comment à ce moment-là? Un ta'wil, interprétation. Ça, c'est pas n'importe quand. Non. Wa qad dhamma Allah ta'ala al-yahoud ala tahrifihim wa bayyana annahum bi tahrifihim min ab'ad an-nas 'an al-iman. Que Allah a déjà critiqué les Yahoud, les Juifs, pour leur tahrif, justement. Et qu'il a démontré qu'avec ce tahrif, ils sont les gens les plus loin de la foi. Quand Allah Ta'ala, أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِّن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Est-ce que tu espères qu'ils croient en vous alors qu'une partie d'entre eux ont écouté la parole d'Allah et ensuite ils l'ont déformé après qu'ils l'aient raisonné, qu'ils l'aient compris? Alors qu'il savait pertinemment ce qu'il faisait. Il parle de qui là? Des Yahoud. Donc Allah Ta'ala, من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. De ceux qui sont judaïsés, les juifs, ils changent la parole de son contexte et ils disent nous avons entendu et nous avons désobéi. C'est-à-dire volontairement. وَلِعَذُ بِاللَّهِ وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِيَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهَذِي النُّصُوصِ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ خَاطَبَنَا بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ الْمُبِينِ فَوَجَبَ قَبُولُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ إِلَّا لَاخْتَلَفَتِ الْآرَاءُ وَتَفَرَّقَتِ الْأُمَّةُ. Donc maintenant, c'est quoi le haql? Qui fait que le mutakallim, celui qui parle, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, avec ces textes-là, est plus savant de ce qu'il veut? Il sait ce qu'il veut par là. Et nous a parlé par quelle langue? La langue arabe. Clair. L'isen al-arabi al-mubin. L'arabe clair. Donc nous, qu'est-ce qui nous est obligatoire de prendre? Le texte selon son apparent, comme il nous vient. Car si, qu'est-ce qui se passe si on ne prend pas l'apparent? On va diverger. D'accord? Et la communauté va se diviser. Et ça, ce qui montre que quoi? Que le mazhab zahiri, sur lequel était Ibn Hazm, à la base, c'est une chose qui était qawi. Shemobil l'a dit, c'est ça la base, on prend l'apparent des textes. Le texte, on prend selon l'apparent, car ça évite bien les divergences. Mais des fois, on ne peut pas. C'est-à-dire que les Zahiriyah, ils ont été exagérés. Ils ont exagéré ce point-là, ils ont pris que l'apparent, l'apparent, l'apparent. Des fois, il n'y a pas l'apparent. Des fois, tu as un ta'ouil à faire, obligatoire. Il faut savoir une chose, que les Sahaba, il n'y a pas eu chez eux de problème dans les Asma Sifat. Ils n'ont pas interrogé. Ce qu'ils ont eu comme problème de compréhension, c'est dans les Ahkam. C'est un texte des Ahkam qui n'ont pas été compris. Tayammum ou Mathalen, le Fajr, à quel moment on arrête de manger. How le Zalik ? Dans les Ahkam. Dans les Asma Sifat, il n'y a aucun qui a demandé que veut dire tel nom, que veut dire tel Sifat. Ils ont compris directement ce que cela voulait dire. Car c'était leur langue. Car c'était leur langue. D'accord ? Deuxième qa'ida dans la troisième fossile. Première qa'ida qui était que la base, c'est les sources, Kitab wa Sunnah. Et deuxième, on prend le texte selon l'apparent. Et tout ça, on l'a pris dans le Tadmouriya, walhamdulillah. Ma foumahada ? Wa alhamdulillah rabbil alamin.